Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les insolences du frère un tel. L'aventure des insolences me laisse plus optimiste maintenant que je ne l'étais au départ. Car enfin, je considère un peu les insolences comme une œuvre d'éducation. Et l'éducation, c'est strictement une série de vaccins qu'il faut administrer à un malade. J'ai trouvé que le malade, disons, répond très bien au vaccin. C'est le 21 novembre 1960 que le frère un tel sort de l'ombre et qu'est enfin publiquement révélé son identité. Jean-Paul Desbiens se réjouit ce jour-là de l'impact qu'a son livre et du succès qu'il remporte. Les insolences du frère un tel jettent un regard critique et sans complaisance sur la langue parlée au Québec. Le succès des insolences du frère un tel est également sans précédent dans le monde de l'édition chez nous. 100 000 exemplaires du livre seront vendus en quelques mois seulement. Véritable électrochoc, les insolences du frère un tel vont servir de déclic à une vaste réflexion collective sur l'état de la langue parlée au Québec. Le frère un tel, qui est-il? Connaissez-vous le frère un tel? Oui, monsieur, je connais le frère un tel. Le connaissez-vous personnellement? Non, je lui ai parlé seulement qu'une fois. Je sais qu'il enseigne ici au Collège Alma. Puis, je sais qu'il est très populaire, son livre a une grande renommée. Vous l'avez voulu? Ah oui, deux fois. Vous êtes capable de le comprendre comme il faut. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je trouve ça formidable. Puis, s'il y avait plusieurs auteurs qui étaient capables de donner leur opinion aussi crûment dans tous leurs livres qu'ils écrivent, je crois que ça serait capable d'éclairer beaucoup de gens. Vous l'avez lu? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec énormément de plaisir. J'ai surtout été impressionné par la partie du volume où le frère un tel traite du parler joual. Bon, maintenant, avez-vous l'impression que les écoliers dans la province du Québec parlent un bon français? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils parlent joual? Oui, ils parlent très joual. On parle français. Joual pas mal aussi, parce que je sais pas, tout le monde parle joual. Et quand on parle bien un peu, ben, on fait rire nous autres. On dit « Ah, t'as ta pète. » Merci. Quelques commentaires recueillis dans les rues d'Alma pour l'émission Premier plan diffusée le 21 novembre 1960 pour nous rappeler le contexte dans lequel est publié Les insolences du frère un tel, pour nous rappeler également l'impact qu'a eu la publication de ce livre au Québec au début des années 60. Je reçois Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle importance a la publication des insolences du frère un tel dans l'histoire du Québec moderne, Marc? C'est un texte déclencheur, fondateur de la Révolution tranquille. Il donne un électrochoc. Il provoque une prise de conscience qui va mener à des changements importants. L'Office de la langue française va être créé un an plus tard, puis toutes sortes de politiques qui vont suivre. Oui, des politiques linguistiques, les créations du ministère de l'Éducation, tout ça va être entraîné parce qu'il va paver la route pour tout ça, en fin de compte. Ouais. Dans quel contexte, il faut le rappeler, dans quel contexte est publié ce livre-là? Parlez-nous, rappelez-nous un peu à quoi ressemble ce Québec de 1960. C'est un Québec qui ronronne d'autosatisfaction, qui s'est fait dire par son premier ministre, Maurice Duplessis, qu'il a le meilleur système d'éducation au monde. Même si Maurice Duplessis vient de mourir en septembre 59, son régime lui survit. Et les Canadiens français du Québec, comme on les appelle alors, sont dominés, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à l'autorité du clergé, du pouvoir politique, ceci en toute connivence. Et le Québec, comme le dira l'écrivain André Langevin, est entouré d'un mur de soutane. Oui. Et le système d'éducation, pour la majorité des jeunes, est en réalité très médiocre. Ça, c'est important, puis on va y revenir, mais c'est à la langue, mais c'est aussi à ce contexte-là, à ce Québec entouré de soutane, que va s'attaquer le frère un tel, qui est lui-même religieux. Parlez-nous un petit peu de la genèse, de ce qui va conduire à la publication de cet ouvrage, Les insolences du frère un tel, parce que ça commence avant 1960. Le livre est publié au début septembre 60, mais ça commence à peu près un an plus tôt, l'aventure du frère un tel. Ouais, tout commence par une série de lettres au devoir, une douzaine entre novembre 59 et juin 1960, à un moment charnière. André Laurendeau, qui est rédacteur en chef au devoir, et pour dissiper tout équivoque ici, je précise qu'il est le cousin germain de mon père. Or, André Laurendeau écrit un billet. C'est pas votre père, ça sera dit. Non, oui, c'est ça. Mes parents tout de même, et je le connaissais bien. Alors, oui. André Laurendeau écrit un billet dans lequel il déplore la qualité du français. Le frère un tel lui envoie une réponse personnelle, une lettre non destinée à la publication. André Laurendeau la trouve pertinente et la publie. Oui. Et là, il le fait avec un pseudonyme parce qu'un simple frère ne peut pas écrire dans l'espace public sans l'autorisation de sa hiérarchie, à plus forte raison s'il remet cette hiérarchie en question. Alors, ce frère, s'il faisait ça, risque des sanctions. Alors, André Laurendeau le protège, mais trouve ça trop bon comme contenu de lettre. Il la publie. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que donc Laurendeau lui-même qui dit au frère Untel, je ne peux pas vous publier sous votre vrai nom, ça va vous nuire. Ça commence donc, et ça va durer un an cette affaire-là. Il y aura des réponses, différents articles. Les deux se répondent au fond, Laurendeau et le frère Untel. Le joual, d'ailleurs, c'est Laurendeau qui invente l'expression. C'est lui qui trouve l'expression et naturellement Jean-Paul Desbiens, car c'est son nom, embarque là-dedans. Il est d'accord, il utilise ça, puis c'est ce qu'il dénonce en tout premier lieu. C'est ce qui accroche en premier lieu, mais il y aura des suites aussi. Donc, qui il est? Qui est-il, le frère Untel? Qui est-il, Jean-Paul Desbiens? Jean-Paul Desbiens est un frère mariste de 33 ans. Son nom religieux, c'est le frère Pierre Jérôme. Il est prof de philosophie à l'Académie commerciale des frères maristes au Lac-Saint-Jean. Jean-Paul Desbiens vient du Lac-Saint-Jean, justement, issu d'une famille pauvre. Son père est bouchon. Métabitchouane, c'est là où il est né. Et il a souffert de tuberculose, ce qui l'a amené entre 19 et 25 ans d'infirmerie en sanatorium. Et même au moment de la publication des lettres et du livre, il y retourne de temps en temps pour se faire soigner. Oui. L'existence du frère Untel, donc ça commence dans les pages du Devoir, on l'a dit un instant, Marc Laurendeau. Comment arrive le projet de livre? Jacques Hébert dirige les Éditions de l'Homme. Il envisage un projet de livre qui contiendrait toutes les lettres du frère Untel, quelques inédits. Il rencontre Jean-Paul Desbiens à fin juillet 60, près de Québec, et lui propose une publication. Il faut d'abord qu'il le retrouve. Ah oui, mais André Laurendeau, lui, discrètement, lui donne les coordonnées. Ouais. Et puis c'est des amis, ces gens-là, ça, à cette époque. Ça se fréquente régulièrement. Il accepte et signe le frère Untel. Entre-temps, les hautes autorités qui ont été prévenues, des frères maristes, lui donnent l'ordre d'empêcher, par tous les moyens, la publication du livre. Jean-Paul Desbiens est déchiré parce que il fait le voyage en train vers Montréal pour convaincre, supplier Jacques Hébert de ne pas publier, mais en son fort intérieur, il espère bien que le livre va sortir. Alors, pendant que les machines rotatives tournent à plein, parce que les échéances sont rapides, là, ces gens-là se voient en nous, et c'est le 6 septembre. Alors, l'assistant général des maristes, l'assistant général, offre de faire un chèque pour dédommager l'éditeur, mais en vain. Parce qu'Hébert veut publier ce livre-là. Puis au fond, le frère Untel n'est pas mécontent qu'il soit publié aussi. C'est lancé donc le 6 septembre 1960, Les insolences du frère Untel. Comment s'est accueilli à la sortie ce livre-là? Imaginez, le gouvernement Lesage a pris le pouvoir en juin. On est au début de l'année scolaire, très important, et ce livre dénonce les failles du système d'éducation, le poids de la hiérarchie religieuse, l'incompétence des décideurs. Et ce livre connaît un succès d'édition immédiat et inouï, là. Il frappe au cœur de la cible. Mais on ne connaît pas encore l'identité du frère Untel. L'immense curiosité s'accroît et les semaines passent. À l'Université de Montréal, vous savez, avait toujours lieu des débats midi. En octobre 60, on annonce le frère Untel. Waouh! Je suis là, dans la salle, avec des milliers d'étudiants. Et le frère Untel fait un exposé, répond à des questions. Il est en soutane, bien sûr. Il est incroyablement ovationné. Mais on allait le découvrir. C'était un canular. Il a profité de la situation. Il s'agit d'un jeune comédien inconnu. J'ai su qu'il s'appelait Thibault par la suite. Il avait mémorisé les passages du livre et les livrait avec une efficacité redoutable. Il avait provoqué des applaudissements frénétiques. Ouais. Quel succès! Et le clergé y a vu par la suite une blague de carabin et a réprouvé ça. Ouais. Donc tout ça montre bien, Marc Laurendeau, le succès considérable qu'a le frère Untel, ce qu'il est dans le Québec de l'époque, le succès du livre aussi. Écoutez, Jacques Hébert, l'éditeur du livre, lui-même se surprendre du fait que, je le rappelle, 100 000 exemplaires de ce livre vont être vendus dans les mois suivant sa publication. Jacques Hébert parle de son étonnement face à ce phénomène en janvier 1961. Mais il reste quand même que c'est surtout le phénomène social qui est intéressant, qui est étonnant. Comment se fait-il qu'un petit frère qui était inconnu hier, un petit frère enseignant du Lac-Saint-Jean, puisse bouleverser, c'est le cas de le dire, tout un peuple dans l'espace de quelques mois? Justement, avez-vous une explication simple? J'en ai pas, si ce n'est qu'il est arrivé juste au moment précis où toutes les questions dont il nous parle étaient arrivées étaient mûres, en somme. Alors, il a donné le dernier coup de pouce qui a fait que ça a éclaté comme ça. Et la diffusion du volume se continue sans cesse. C'est ça qui est renversant. On se dit, au 50e mille, on disait, c'est vraiment la... On est arrivé au bout, c'est pas possible. Mm. Et 115e mille, on hésitait à réimprimer des trop grandes quantités parce qu'on se disait 75 mille. Monsieur Hébert, là, on est rendu à 100 000 et puis on est certain que ça continue, on le voit tous les jours. Il reste quand même que c'est centré sur des problèmes qui sont particuliers à la province de Québec. Et malgré tout, nous recevons des commandes du Congo belge, du Mexique, du Brésil, des choses étonnantes, du Maroc, de plusieurs pays d'Europe. Étonnant, en effet, des commandes de l'extérieur du Québec, mais revenons au succès que remporte ce livre au Québec, Marc Laurendeau. Comment s'est reçu à sa sortie, ce livre-là? Monsieur Hébert en dit déjà beaucoup, mais il dit, ce livre, tout haut, ce qu'on commence à peine à penser tout bas. Ouais. Alors, c'est le moment très opportun pour sortir un pareil livre. Il y a un changement de régime là, qui vient de s'effectuer au moment de la sortie du livre. Alors, c'est un moment charnière. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit, de fait? Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre-là, Jean-Paul Desbiens? Il dénonce la pauvreté de la langue. Chez les élèves, un exemple qu'il donne dans son livre, c'est le coach Ma Wei Kiri Lamid du Gawler. en publicité, Chicoutimi Moving, Rita Snack Bar, Turcotte Tire Service, des exemples. Ouais. Le frère Untel déplore l'affichage anglais dans nos villes, surtout Montréal. Ses propos sur la langue sont très politiques. Il écrit « L'État protège bien les truites. C'est à lui de protéger notre langue, qui est encore bien plus un bien national », écrit-il. Ouais. Jean-Paul Desbiens dénonce aussi, et c'est la partie la plus audacieuse à mes yeux, il dénonce l'incompétence, l'obscurantisme, l'opacité du département de l'instruction publique, dirigé par nos seigneurs les évêques, inapte à gérer correctement l'évolution de l'éducation au Québec. C'est sa propre hiérarchie qu'il critique. Il est prêtre, il faut le rappeler. Ça, c'est délicat. Mais en même temps, il est bon juge des programmes et puis des directives qui sont écrites dans le journal L'Instruction publique. C'est complètement opaque, c'est abscon ce qu'on écrit là-dedans. Et il le dénonce. Ouais. Ces gens-là n'ont pas de compte à rendre. C'est des évêques, ils ne sont pas élus. Et ils n'ont pas de compétences pédagogiques, dit-il. Enfin, Jean-Paul Desbiens décrit une religion catholique très basée sur la peur, issue du jansénisme, étouffante. Notre-Dame de la Trouille, écrit-il. Et c'est un cléricalisme lourd aussi, qui mise plus sur l'obéissance à la hiérarchie que sur l'exercice d'une liberté éclairée. Par exemple, une sœur, elle va surveiller des études dans un séminaire, elle doit se faire accompagner d'une autre sœur. Les sœurs, dans beaucoup de couvents, n'avaient pas le droit de regarder la TV. Oui. Quelqu'un écrit dans le livre, c'est d'ailleurs une sœur untelle qui écrit ça, « On voyait le monde à travers le hublot de notre cornette. » C'est les petites étudiantes qui nous disaient ce qu'ils avaient vu de culturel à la télévision. Oui. Et les sœurs s'inclinaient, se mettaient à genoux devant la mère supérieure. Il dépeint, frère Untel, Jean-Paul Desbiens, les costumes religieux comme irrationnels, encombrants et anachroniques. Ça va très loin, donc, cette critique qu'il a contre le clergé en place au Québec à ce moment-là. Et puis, il y a le style aussi, au-delà de ce qu'il dit. Dans le petit micro-trottoir qu'on entendait au tout début de l'émission, quelqu'un le disait, il avait apprécié la manière franche avec laquelle s'adresse Jean-Paul Desbiens. Son style d'écriture, ça compte aussi. C'est le parler des gens de la région, du lac Saint-Jean. Pensez à Lucien Bouchard. Le frère Untel parle dru, avec franchise, comme les gens de sa région. Il avoue travailler à la hache. Mais ce que l'on sent derrière, à chaque fois qu'on l'écoute, c'est une vaste culture. Et surtout, un brin d'humour. Et, ça désamorce beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça détend, c'est plus facile à lire. Ouais. Il est accessible. Vous l'évoquiez il y a quelques minutes à la publication du livre en septembre 1960. Donc, le livre est un immense succès. Donc, tout le monde veut savoir où est le frère Untel, qui il est. Il y a ce faux frère Untel dont vous parliez à l'Université de Montréal. Succès monstre, mais on ne sait pas qui il est. Il va falloir attendre novembre 1960 avant que le frère Untel sorte de l'anonymat. Il accorde le même jour, une entrevue à la radio de Radio-Canada et une autre à la télé de Radio-Canada. On écoute un extrait des deux entrevues. On commence par l'entrevue qu'accorde Jean-Paul Desbiens à Judith Jasmin à l'émission Premier Plan le 21 novembre 1960. Vous savez qu'il y a eu toutes sortes de rumeurs à la suite de votre livre, bien sûr, et on a dit que, mon Dieu, ça n'avait pas plu à tout le monde et que vous étiez peut-être... Quand c'est fatal. Oui. Oui, vous avez pris des risques, bien sûr. Vous aviez été puni et que c'est pour ça qu'on ne vous voyait pas à la télévision, qu'on ne vous entendait pas à la radio. Alors, comment ça se fait que vous êtes là ce soir? Écoutez, puni, c'est un assez grand mot. Disons qu'on ne peut pas le nier. J'ai été retiré de la circulation un peu. Et il y avait là-dedans une mesure de prudence. Je la vois comme ça, moi. Et puis, ça m'a sauvé de plusieurs façons, y compris, disons, nerveusement, parce que ça m'a évité d'avoir à répondre à toutes sortes de demandes. Et puis, ça m'a peut-être évité aussi de cabotiner. Parce que ça veut devenir comme ça du jour au lendemain, je crois, une espèce de personnage. Ça comporte un certain risque, vous savez. Disons que j'ai passé sur un feu jaune. Je pense qu'il ne faut pas passer deux fois sur un feu jaune. Oui, mais c'était peut-être la seule façon de passer aussi. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Parce que si vous avez autre chose à écrire, probablement qu'à l'avenir, on vous refusera l'imprimatur et vous ne pourrez pas les dire. Là-dessus, je me permets, disons, de vous reprendre ou de vous contredire. Au contraire, je me considère maintenant, étant donné l'accueil que mon livre a reçu, et disons-le, sans aucune espèce d'orgueil, je vous le jure, étant donné, disons, le personnage que je suis devenu dans le public, je crois qu'il me serait maintenant, non pas plus difficile, mais au contraire plus facile, d'écrire, et avec deux ou trois imprimatures, ce que j'aurais envie, et ce que j'aurai le temps d'écrire maintenant. Jean-Paul Desbiens au micro de Paul-Émile Tremblay à la radio de Radio-Canada le 21 novembre 1960. Et juste avant, vous l'entendiez répondre aux questions de Judith Jasmin le même jour. Et c'est quand il participe, Marc Lorando, à l'émission Premier plan, entre autres, de Judith Jasmin et à celle de Paul-Émile Tremblay à la radio, que Jean-Paul Desbiens sort de l'ombre et qu'on connaît enfin son identité. Oui, voilà. Ouais. Plusieurs semaines après. Ouais. Mais le public n'est pas déçu. Le frère Untel est fonceur, érudit, bon raconteur. Et le cardinal Paul-Émile Léger de Montréal, qui a autorisé ces deux entrevues à Radio-Canada... Parce que ça a été négocié, cette sortie-là. Oui, deux oui, entrevues oui, le même jour. Oui, c'est ça. Il a fallu qu'il y ait une sorte d'imprimatur, comme il le dit. En décembre, cependant, le cardinal va écrire au frère Untel que ses impressions sur l'entrevue furent excellentes. Bonne impression générale. Mais en mars, le cardinal, dans une de ses lettres, lui dit « On découvre dans l'une ou l'autre de vos pages des affirmations qui ont blessé la conscience religieuse. » Là, il se refroidit un peu. Et entre-temps, c'est ça qui est important, le haut clergé du Québec s'était mobilisé. Monseigneur Camille Mercier avait écrit début novembre à Jean-Paul Desbiens que les insolences sont un livre dangereux. Je ne crains pas, écrit-il, d'appeler les insolences un mauvais livre, avec les connotations que ça avait à l'époque, hein, qui fera beaucoup plus de mal que de bien, surtout aux jeunes. Ouais. Alors, selon la version de Jean-Paul Desbiens, écrivant au cardinal, parce qu'il publie sa correspondance dans les dernières éditions de son livre, les lettres qu'il envoyait au cardinal. Trois évêques intégristes, venus surtout de Trois-Rivières et Sherbrooke... Intégristes? Il emploie ce mot plusieurs fois, dans plusieurs lettres. Sont venus de Trois-Rivières et de Sherbrooke, ils sont allés faire de la cabale contre lui à Rome. Ils obtiendront que la sacrée congrégation des religieux décrète contre Jean-Paul Desbiens une monition canonique, tenez-vous bien, monition canonique. Ça veut dire que c'est un blâme contre un religieux qui a commis une faute publique. Ouais. Alors, le cardinal, lui, il ne peut pas contourner la monition canonique. Il dit, moi, je ne suis pas aussi influent que ça. Desbiens lui dit, quand même, là, un cardinal, vous avez votre poids. Alors, il y a toute une correspondance intéressante là-dessus, mais le cardinal s'en lave les mains à partir de là. Et de fait, il va payer le prix de la publication des insolences. Il va quitter le Québec, oui, Jean-Paul Desbiens. Il sera exilé d'abord à Rome, sous étroite surveillance, environ un an et demi, puis une autre année et demie à Fribourg, où il rédige une thèse de doctorat en philosophie sur la psychologie de l'intelligence du psychologue genevois Jean Piaget, une célébrité. Alors, il fait une thèse, d'ailleurs, qui obtient une assez bonne cote, mais... il revient, c'est ça qui est intéressant, au Québec à l'été 64, par la grande porte, comme haut cadre du ministère de l'Éducation pour organiser l'enseignement secondaire, puis les cégeps. Et ça ferme la boucle magnifiquement. On a vu qu'il avait une vision et on la met à contribution, cette vision, pour ce que deviendront les écoles secondaires, les cégeps, les universités, l'Université du Québec, entre autres. C'est cette période-là où tout est en train de se mettre en place. Il était la personne qui avait vu les lacunes d'un système élitiste où la masse des étudiants n'était pas vraiment formée adéquatement. Il deviendra chef éditorialiste à la presse, assez, comment dirais-je, peu nuancé dans ses critiques dans son soutien au fédéralisme, assez sévère envers ce qu'il appelle les dérives du syndicalisme, mais il le dit dans la dernière version de son livre, il votera oui au référendum de 1980. Vieux fonds nationaliste, peut-être. Ouais. Alors, c'est le fameux référendum sur la souveraineté de René Lévesque. Là. Il va voter oui, en dépit du fait qu'à la presse, il avait donné des appuis sans nuance au fédéralisme. On revient à la publication de son livre « Les insolences du frère Untel » en 1960. Avec le recul, Marc Laurendeau, quel impact a eu cet ouvrage-là sur la société québécoise? Quelle influence aura, par exemple, ce livre-là dans les orientations politiques que va prendre ce Québec nouveau là, de la Révolution tranquille? Changer les mentalités, c'est déjà faire beaucoup de chemin. Et ce livre appelle à une responsabilité de l'État en matière d'éducation. Et ce livre va amener directement à la création de l'Office de langue française, on le disait tout à l'heure, en 61, à la partie de la loi 101 en 1977 qui va toucher à l'affichage. Oui. Parce que dans son livre, il dénonce constamment, même dans les années 70, il dénonce l'affichage unilingue anglophone qui n'a pas sa place. Il est scandalisé de ça. Et il soulève des critiques, il éveille les esprits à cet égard. Et même le Publicité Club de Montréal, fondé par Jacques Bouchard, parce qu'il dénonce la publicité aussi, la publicité parlée dans les médias. On va dire, c'est assez, là, le Toronto French. On va faire notre publicité nous-mêmes. Et ça aussi, il a amorcé ce mouvement-là, le frère Untel. Il y a peut-être un mystère entourant le frère Untel. C'est que même s'il est très, très critique, on l'avait avec vous, par rapport à l'Église, par rapport à cette institution et à ce qu'est l'Église au Québec dans les années 60, il va toujours rester dans les ordres, alors qu'à cette époque-là, il y en a plein de prêtres, de sœurs qui défroquent, comme on dit. Comment expliquer ce mystère-là, Marc? Jean-Paul Desbiens dit souvent, il affirme à son éditeur, d'ailleurs, quand il a peur de la publication, qu'il ne veut pas démoiner. C'est l'expression qu'il prononce, qu'il écrit constamment, même dans le livre. Il écrit, il y a ceux qui démoinent avant de mourir, puis il y a ceux qui meurent avant de démoiner. Et moi, je serai de ceux-là. Ouais. Bref, il renvoie dos à dos les dévots apeurés et les anticléricaux. Oui, mais lui reste un homme d'Église qui veut voir son Église se réformer. Un mot en terminant sur ce qui reste de cet ouvrage. Quand on le lit ou le relit aujourd'hui, vous l'avez fait, est-ce que c'est encore pertinent? C'est passionnant de se plonger là-dedans. D'abord, il y a la valeur historique. Ça décrit bien par quoi le Québec est passé lors d'un moment charnière. Qu'est-ce que c'était le Québec d'avant et qu'est-ce que ça s'apprêtait à devenir et jusqu'où on pouvait aller dans la critique? Et la force de l'humour aussi. Ouais. À certains moments, il y a des passages qui sont franchement drôles, ironiques. Et en plus, il écrit d'une manière vive, imagée, qui est vraiment bien loin d'ennuyer. Alors, je peux vous dire, parce que je l'avais lu à l'époque, le relire maintenant, en 2018... Ça a été une superbe redécouverte. En tout cas, Marc Laurendeau, merci de nous en avoir si bien parlé de cet ouvrage-là et de l'impact qu'il a eu, Les insolences du frère Untel. Merci beaucoup, Marc. Un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.